Vous écoutez Radio Campus Lille, il est midi. Vous avez entre 15 et 25 ans. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Oui, bonjour. Il est un peu plus de midi. En ce troisième samedi du mois, vous écoutez avec raison Radio Campus sur 106.6 MHz ou sur campuslille.com. C'est donc Angle d'attaque proposé par les trois attaques de la métropole. Attaque A2TAC, l'association pour la taxation des transactions financières pour l'action citoyenne. Donc aujourd'hui, on a Ludovic avec nous, René. Et Christian est souffrant, il ne sera pas avec nous. Et Louis s'est excusé. Oui, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends bien. Ah, voilà, super. Bon, excusez-moi pour ces soucis techniques. Alors, on va pouvoir commencer l'émission. Alors, donc, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, l'intelligence artificielle a un vaste sujet. Parfois très technique, mais passionnant et fondamental pour comprendre l'avenir de notre société. Donc heureusement pour vous, grand public, nous avons comme invité Jean-Claude Audin, enseignant-chercheur à l'Université Paris-Sud, spécialiste de l'intelligence artificielle et auteur du livre « Intelligence artificielle, manuel de survie ». Ça tombe bien, il va pouvoir nous éclairer sur ce sujet. Nous allons également traiter notre principale préoccupation, les conséquences actuelles et futures dans notre société. Donc, comme tout ce qui est du domaine des nouvelles technologies, le grand public est souvent perdu avec tous les termes utilisés, sans parler du marketing qui vend des produits en promettant mondes et merveilles. Avant d'aller plus loin, nous avons besoin de faire une mise au point sur ce qu'est et ce que n'est pas l'intelligence artificielle. Donc, pouvez-nous la définir ? Ok. Juste une petite précision. Oui. Je ne suis plus à l'Université Paris-Sud. Ah, excusez-moi. J'ai fait mes études là-bas il y a très très longtemps. Maintenant, je vole de mes propres ailes. J'ai créé ma propre structure. Et donc, je fais à la fois de la recherche et donc j'écris beaucoup et Effectivement, je conseille aussi des entreprises sur l'intégration de l'IA dans leur stratégie. Alors, pour répondre à votre question là sur qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle et qu'est-ce que n'est pas, les termes intelligence artificielle ont été définis à l'origine à la création de la discipline en 1956. Donc c'est à la fois vieux, mais c'est aussi assez récent, c'est une discipline jeune. Et Marvin Minsky et John McCarthy, Claude Shannon et d'autres qui ont créé finalement cette discipline à cette époque-là, un bel été de cette année-là aux États-Unis, au Dartmouth College, eh bien ils l'ont défini comme la capacité à faire par des machines ce qui serait fait autrement par de l'intelligence humaine. Donc autrement dit, c'est mettre de l'intelligence humaine dans les machines, et en particulier évidemment dans les ordinateurs. Alors je trouve que c'est toujours une définition claire, mais un petit peu restrictive, parce que dans l'intelligence artificielle aujourd'hui, on n'utilise pas simplement une simulation, je dirais, de l'intelligence humaine, mais aussi en fait de beaucoup d'autres formes d'intelligence, hein, et donc c'est en fait aujourd'hui un petit peu plus large que ça, puisqu'on travaille sur des algorithmes qui, par exemple, hein, pour donner un exemple, essaient de reproduire le comportement d'insectes sociaux ou plein d'autres de voies où en fait on essaye de reproduire sous une forme de programme les comportements intelligents qu'on peut rencontrer un petit peu partout dans la nature. Donc ça c'est la définition de l'IA un peu plus large que je préfère aujourd'hui. Donc, oui. C'est une discipline scientifique qui cherche à reproduire l'intelligence dans une machine. Merci. René va intervenir. Oui. Est-ce que l'intelligence artificielle et la cybernétique, c'est la même chose ou est-ce que ce sont deux disciplines différentes? Et qu'est-ce qui les différencie, si c'est le cas? Alors, en fait, curieusement, à l'origine, ce ne sont pas des disciplines identiques, hein, puisque quand la discipline de l'IA est née, cet été 1956, eh bien, en fait, il existait, la grande discipline qui étudiait, le cerveau, l'intelligence dans les machines, c'était effectivement la cybernétique, créée par un certain dans les années 40 et popularisée par Norbert Wiener en 1948 avec un ouvrage qui s'appelait Cybernetics. Et donc, c'était le grand courant, effectivement, d'études des systèmes. À la fois naturels mais aussi artificiels pour leur donner un peu d'autonomie. C'était 56, en fait, les personnes que j'ai citées ont créé cette nouvelle discipline en la nommant intelligence artificielle et en se démarquant volontairement de la cybernétique, puisqu'à l'origine, ils souhaitaient abandonner finalement l'étude, par exemple si on parle du cerveau, l'étude des principes du cerveau, pour plutôt s'orienter vers une intelligence artificielle symbolique, hein, qui simule finalement les raisonnements plutôt que s'intéresser à la structure même du cerveau. Et donc, curieusement, parce que ça nous apparaît curieux aujourd'hui, par exemple, les réseaux de neurones qui sont au cœur de l'intelligence artificielle, ils sont nés dans le giron de la cybernétique. Et ce n'est que bien plus tard qu'ils ont finalement été réintégrés dans l'IA, puisqu'aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup de la cybernétique. Hein, c'est un doux nom un petit peu ancien, mais l'intelligence artificielle est devenue la discipline à la mode. Mais à l'origine, effectivement, c'était deux disciplines assez différentes. Et l'IA est apparue un petit peu comme, venant bousculer les choses, et avec une attitude un peu, d'ailleurs, en utilisant ces termes, un peu provocatrice également. Et donc, il y a 20 ans, Deep Blue a battu Garry Kasparov aux échecs. Hein, et il y a quelques années, on a AlphaGo qui bat Li Ji, meilleur joueur de Go du monde. Oui. Et qu'est-ce s'est-il passé en 20 ans entre ces deux exemples emblématiques, hein? Ben, je dirais que ce qui s'est réellement passé, en fait, l'IA, d'une manière générale, est une succession de... d'envolées lyriques avec des avancées un peu spectaculaires et puis ensuite des hivers plutôt froids où il se passe plus grand chose, en tout cas d'apparence, hein, ou en tout cas on n'en parle plus pendant un certain nombre d'années. Donc il y a eu la première envolée qui a été celle de la création du domaine à la fin des années 50. Ensuite, ça s'est calmé et puis il y a eu une nouvelle envolée avec les systèmes experts à la fin des années 70 et pendant toutes les années 80. Et à la fin des années 80, c'est retombé une nouvelle fois. En particulier à chaque fois, puisqu'il y a des c'est un peu toujours le même mécanisme, il y a des prédictions un petit peu fantasmatiques autour de l'IA. Et puis on s'aperçoit que dans la pratique, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Et donc ça se calme carrément ensuite. Alors, parallèlement à ça, ce qu'il faut rappeler, c'est l'histoire des réseaux de neurones, puisque les premiers, comme je vous le disais tout à l'heure, les premiers réseaux de neurones sont nés dans le cadre de la cybernétique en 1943, quasiment, avec un article de McCulloch-Epitz qui proposait le premier réseau de neurones, le premier modèle de neurones formels. Et puis en 1958, donc on n'est pas dans l'IA, mais vous voyez qu'on est à la même époque, hein, avec Frank Rosenblatt au MIT qui propose le premier réseau de neurones. Mais très rapidement, on s'aperçoit que même si théoriquement on avance, en pratique, on n'arrive pas à faire marcher correctement ces systèmes. Et il faut attendre 1985, à peu près, 86, pour qu'on découvre un algorithme enfin à peu près théoriquement valable pour apprendre correctement à ces machines. Donc il est découvert à la fois en France par Yann Lequin, qui est aujourd'hui connu, hein, puisqu'il est, il est le patron de l'IA chez Facebook, et puis George Hinton au Canada, qui le publie dans, quasiment dans cet algorithme, hein, qui a un nom barbare, rétropropagation du gradient de l'erreur, il le publie également, je dirais, dans quasiment la même année. Mais même si théoriquement on a compris comment faire de l'apprentissage, en tout cas, on a enfin un algorithme qui paraît résoudre les problèmes de l'apprentissage dans les réseaux de neurones à couche, eh bien, on s'aperçoit qu'en pratique, on y arrive encore très difficilement, en tout cas que pour des applications relativement simples. Et ce qui se passe, pour terminer de répondre à votre question, c'est que dans les années 2012-2013, dans ces environs-là, en fait, on fait deux découvertes empiriques qui vont se révéler, qui vont débloquer la situation. D'une part, on comprend qu'il faut donner des exemples d'apprentissage en très très grand nombre, massivement à un réseau de neurones, plutôt que de donner simplement beaucoup moins, en tout cas quelques exemples, et que ça marche, l'apprentissage marche beaucoup mieux dans ce cas-là. Mais évidemment, quand on donne beaucoup d'exemples, eh bien ça creuse, je dirais, les problématiques de puissance de calcul nécessaire pour un algorithme d'apprentissage qui est très gourmand et aussi très capricieux. Hein, il diverge très très rapidement si on n'y prend pas garde. Donc s'il faut énormément de temps pour le faire converger, eh bien c'est très compliqué. Donc si on rajoute des exemples, évidemment, ça devient difficile. Mais dans le même temps, on découvre qu'on a une manne de... Une réserve de calcul très bien adaptée et peu chère, que sont les cartes graphiques des ordinateurs, les fameuses GPU. Et donc, les GPU, l'utilisation astucieuse de ces GPU, ça permet d'accélérer extrêmement fortement l'algorithme d'apprentissage. Et donc, finalement, même avec beaucoup d'exemples, on va passer de plusieurs semaines à quelques heures, si je peux, résumé de cette manière-là. Et donc, ça va permettre d'avoir des expérimentations au beaucoup plus grand nombre. Et comme ça, une carte graphique, c'est pas un supercalculateur, c'est assez accessible. Beaucoup de labos vont pouvoir s'en les utiliser. Et donc, ça va accélérer, ça va permettre enfin de faire beaucoup d'expérimentations dans des temps raisonnables, et donc d'accélérer les découvertes qui vont se passer ensuite. Donc c'est vraiment ça, 2000, on voit bien là, dans les résultats d'apprentissage, hein, à partir de 2012-2013, eh bien on passe un cap. Hein. Auparavant, les réseaux de neurones étaient capables uniquement de reconnaître, je dirais, basiquement pour caricaturer un coup sur deux, donc c'est presque de l'aléatoire, on ne sait pas trop si ça marche ou si ça ne marche pas. Quoi. Évidemment, il y a des cas où ça marche, mais bon, en tout cas, on ne peut pas bâtir de grosses applications complexes avec ça. Et puis, à partir de 2012-2013, on passe au-dessus des 80% et aujourd'hui, on titille le 100% en termes de taux de reconnaissance lorsqu'on a des données correctes. Voilà, donc voilà ce qui s'est passé. Et à partir de là, ça a ouvert effectivement des résultats relativement spectaculaires. Hein. Vous avez parlé d'AlphaGo, puis ensuite d'AlphaGo 0, qui ont effectivement défrayé la chronique. C'est la suite logique de ces... Oui, on peut aussi nommer Libratus qui joue au poker. Et également aussi qu'on parle beaucoup les voitures autonomes. Je crois qu'ils utilisent aussi le principe des réseaux de neurones. Voilà, l'idée c'est que il y a tout un pan d'applications qui nous était, qu'il était difficile d'envisager auparavant. En fait, toutes les applications pour lesquelles on n'avait pas de modèle. Parce que pour créer une application, pour programmer une application, il faut le modèle du phénomène qu'on veut attaquer. Donc ce modèle, soit on est capable de le... il peut prendre plusieurs formes, il peut être mathématique, il peut prendre l'ensemble de formes, mais pour un certain nombre de systèmes complexes, le modèle est très compliqué à obtenir. Il y avait par exemple, dans le cas de la voiture autonome que vous citez, eh bien, dans les années 80, j'ai même moi-même participé à des projets où on essayait de modéliser le conducteur par des systèmes à règles, par ces fameux systèmes experts. Et en fait, c'est très vite un enfer, parce qu'il y a trop de règles, elles se contredisent les unes les autres, et on n'arrive pas à modéliser correctement ce conducteur qui est quand même un phénomène relativement compliqué. Même si nous, on conduit naturellement une fois qu'on a appris, représenter ça, coder ça sous la forme d'un ensemble de règles, c'est juste impossible. Il y a trop de cas. Enfin voilà, c'est compliqué. Et donc il y a toute un nombre très important de phénomènes qui sont comme ça. Soit c'est trop cher pour identifier le phénomène, soit c'est quasiment compliqué à faire avec nos connaissances actuelles. Donc, ce qu'ont débloqué les réseaux de neurones, c'est qu'on n'est plus obligé de modéliser. Aujourd'hui, si on a des données en grand nombre, eh bien, on peut entraîner un réseau de neurones pour se comporter comme ce modèle. C'est ce qui se passe dans certaines parties des voitures autonomes aujourd'hui, où en fait, on enregistre toutes les données dans des situations de conduite et on sait sur les situations et ce que fait effectivement le conducteur humain. Et on entraîne un réseau à partir de là pour se comporter de la même manière. Et donc ça débloque, on n'a toujours pas le modèle du conducteur, mais on a des réseaux de neurones qui sont capables de se comporter comme lui. D'où un bond significatif, effectivement, pour aller vers des voitures autonomes. Mais en fait, pourquoi on parle tellement de l'IA, et en particulier des réseaux de neurones aujourd'hui, c'est parce que ça ouvre ça ouvre pas simplement pour la voiture autonome. Ce que je dis, c'est que toutes les applications complexes qu'on ne savait pas faire auparavant, à partir du moment où on a des données sur le phénomène, en grand nombre, eh bien, on est capable, en tout cas, d'approcher une solution qui fonctionne. Oui, et du coup, on sait qu'il y a plusieurs formes d'IA. On parle beaucoup d'IA forte, d'IA faible. Et également, vous introduisez quelque chose de très intéressant, c'est les 6 niveaux d'IA. Pouvez-vous nous parler de tout cela ? Oui, l'IA, lors de ces hivers et de ces étés fulgurants, a toujours été l'objet de discussions importantes qui sont aussi nécessaires, hein, j'en dis ce qu'on vient pas, et dans le cadre de ces discussions et débats sont nées l'idée de l'intelligence artificielle forte et de l'intelligence artificielle faible. Donc l'intelligence artificielle forte, c'est finalement quelque chose qui serait quasi équivalent à notre intelligence, avec la conscience, avec finalement l'autonomie, la capacité d'apprendre seul, etc. De manière totalement autonome. Aujourd'hui, on n'y est pas encore à l'IA forte. Ah, on est à des années-lumière de ça. La discussion est même, est-ce que ça sera un jour possible ? On ne sait pas encore. Théoriquement possible, maintenant... En pratique, c'est un monde de complexité en soi. Oui, René. Oui, donc on est loin de cette image qui fait peur au public, que l'IA prenne en fait le contrôle de la société et nous réduise à l'état de domestique ou d'esclave, enfin, qu'on peut voir dans certains films ou médias. Oui, non, ça c'est sûr. Un des problèmes avec l'IA, mais qui est aussi une de ses forces, c'est qu'il y a un mélange aujourd'hui entre la réalité des laboratoires et puis des recherches et puis l'imaginaire, qui est très intéressant. Moi aussi, je suis un fan de science-fiction, donc on peut faire énormément de choses et écrire des histoires très spectaculaires qui vont nous captiver. Mais souvent, dans l'esprit du grand public, il y a un mélange. Hein, entre ces deux, et on croit que finalement l'IA va devenir une entité autonome qui va. Alors, il y en a qui en font même leur chou gras, hein, en annonçant une singularité technologique qui prendrait le contrôle de l'humanité, etc. etc. Personnellement, autant j'aime ce type d'expérience de pensée pour me distraire, et puis moi-même j'écris un peu de science-fiction. À des heures perdues, donc, mais dans la réalité, on en est à des années-lumière. Mais du coup, il n'y aura pas, à mon avis, de singularité technologique pour tout un ensemble de raisons que j'ai. Oui, la singularité qui est le moment où la machine dépasse les capacités. On aurait une super intelligence qui serait capable de s'améliorer elle-même et qui prendrait finalement la destinée de l'humanité en main, et on n'aurait plus besoin de faire grand-chose. Alors, elle serait bienveillante selon certains, ou au contraire, une très très grande menace, comme l'ont souligné Stephen King, par exemple, pour ne citer que lui. Donc ça, ce sont des expériences de pensée intéressantes parce qu'elles permettent de raisonner aux limites d'une certaine manière. Et puis, elles ont été nécessaires, je pense, parce qu'elles ont permis de se réveiller, de dire, bah voilà, c'est pas juste une technologie comme une autre. Elle a un potentiel effectivement très important. Et donc, il faut y réfléchir. Maintenant, aujourd'hui, on est plutôt dans le cadre de l'IA faible, hein, pour terminer la question. L'IA faible, c'est une IA pragmatique, hein, qui s'attache à attaquer des applications. Et puis, qui n'a pas du tout cette visée de vouloir créer une IA autonome, consciente et qui prendrait en main la destinée humaine. On pourrait dire qu'un petit peu le terme intelligence est un peu galvaudé parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut vraiment parler d'intelligence? Après, il faut définir ce qu'on entend par intelligence. C'est tout le problème. Et souvent, on mélange le terme intelligence, conscience. Il y en a même qui rajoutent un petit peu d'âme là-dedans. Donc, c'est compliqué si on se met pas d'accord déjà quand on discute ce type de sujet sur de quoi on parle. Donc, une bonne partie du temps, généralement, on essaye de s'accorder sur les définitions et ce qu'on entend. Et généralement, ça devient un petit peu plus clair, même si c'est toujours difficile de définir des phénomènes aussi complexes que l'intelligence dans son ensemble, qui pour nous, par exemple, en termes d'humains, est extrêmement multiforme. Il n'y a pas que l'intelligence logique. Au contraire, on a une intelligence plutôt empathique, émotionnelle, alors que la machine, au contraire, elle a une intelligence logique qui analyse des grands volumes de données, mais d'un autre côté, elle est complètement incapable de prendre en considération le monde qui nous entoure, ce que nous, on sait faire d'une façon tout à fait naturelle. Donc, merci de nous avoir introduit pour faire le point là-dessus. On va passer à la deuxième partie, donc un peu sur les conséquences actuelles, notamment les conséquences actuelles et puis futures sur l'emploi. Est-ce qu'on peut dire qu'en général, l'informatique détruit-elle l'emploi? Alors c'est une grande question, effectivement. Est-ce qu'on parle beaucoup de l'IA comme quelque chose qui modifierait, enfin, qui créerait des problèmes au niveau emploi. Moi, je dirais que c'est toute la transition numérique qui est en jeu. L'IA en fait évidemment partie. On en parle beaucoup parce que ça, il y a ce côté, un petit peu fantasmatique qui apparaît. Mais c'est toute la transition numérique qui modifie profondément la société. Et c'est difficile aujourd'hui de dire, en tout cas moi je sais pas répondre, si ça va au bout du compte, quand on va faire le calcul, je dirais créer plus d'emplois ou en détruire. Ce qui est certain, c'est que ça va changer profondément l'économie, les métiers, les entreprises. Hein. L'exemple, c'est l'Internet et ensuite suivi d'assez près par les mobiles qui ont complètement révolutionné notre manière de, par exemple, d'envisager le commerce. Et donc ça change énormément de choses. Si on prend l'exemple d'Internet et du web, on disait voilà, ça va effectivement aussi, à cette époque-là, on disait, dans les années 90, ça va un impact négatif sur l'emploi. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que le numérique est le premier secteur d'emploi en France, loin devant l'ensemble des autres, devant tous les autres secteurs, et que la grande majorité des emplois à l'intérieur du numérique n'existaient pas il y a 20 ans. Hein, développeur web, il y a 20 ans, il y en avait 2-3, et donc il y a beaucoup de métiers qui sont apparus. Donc c'est assez compliqué, il n'y a pas de réponse, les études se contredisent ou s'équilibrent, hein, d'une certaine manière. Sur ce qui est certain, c'est que ça va révolutionner et que, à la fois au niveau individuel et au niveau collectif, au niveau des entreprises en particulier, eh bien, il ne faut pas prendre ça à la légère, il ne faut pas faire l'autruche. Il faut se plonger dans ce qu'il y a, pas d'une manière totale, mais commencer à informer, commencer à se former à ces nouvelles technologies pour pouvoir les intégrer dans les entreprises et pas attendre le déluge. Hein, ceux qui croyaient il y a 15 ans que le commerce électronique en ligne, c'était pas pour eux, ça ne servait à rien, il y aurait toujours des boutiques, et puis voilà, point final, ces gens-là sont en train de poser le bilan. Parce qu'aujourd'hui, le commerce électronique, dans tous les secteurs, il n'y a pas un secteur qui échappe à ça. Ça ne veut pas dire que les boutiques vont toutes disparaître, mais il y a un média majeur pour le commerce qui est devenu Internet. C'est pareil pour l'IA. C'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. Ça ne va pas se passer du jour au lendemain, mais les technologies qui sont déployées, en particulier, encore une fois, pour le commerce, le marketing, la communication, vont changer les choses. Hein. Et comme avec la, enfin, dans l'histoire, avec la mécanisation, est-ce qu'on peut dire que ça pourrait diminuer le temps de travail, donc peut-être avoir un peu plus de temps pour faire des choses qui sont proprement humains, tout ce qu'on peut appeler le care, faire du bien. Donc, on pourrait penser que du coup, l'intelligence artificielle serait une autre étape pour nous préoccuper du travail. Donc, par exemple, s'occuper des personnes âgées avec un peu plus de soin. Je suis entièrement d'accord. Hein. C'est exactement ma position. C'est-à-dire que je dis souvent dans mes conférences, l'IA, c'est comme la force dans Star Wars. Il y a le côté obscur et il y a le côté lumineux. Le côté obscur, en particulier si on regarde les entreprises, eh bien, c'est puisqu'on a gagné en productivité, on va licencier des gens, on aura moins de personnes et donc on n'aura plus de profit. Ça, c'est le truc, à mon avis, qui est effectivement rentable à court terme, mais à moyen et long terme, c'est une bêtise sans fond. Hein. En quelque sorte, on scie la branche sur laquelle on est assis. Le côté lumineux, le côté intéressant, c'est effectivement dégager cette productivité qui permet d'accélérer des tâches d'analyse, qui permet d'accélérer des tâches qui n'ont pas grand intérêt pour justement déployer cette productivité en remettant l'humain au centre et en permettant à se concentrer sur par exemple les exemples que vous avez cités. Donc ça, pour moi, ça fait partie un peu de toutes les réflexions éthiques et déontologiques qui sont en cours aujourd'hui dans la discipline. Mais au bout du compte, ça, je dirais, c'est des managers qui vont décider. Donc c'est à eux de se former aussi à l'IA et de le faire dans une vision éthique, je dirais, de son application dans l'entreprise. Ça, c'est, oui. c'est crucial. On a une question un peu sur les masses de données. Je t'écoute. Oui, vous avez présenté les progrès actuels de l'intelligence artificielle avec les réseaux de neurones, dont l'efficacité provient de la masse de données qui permet de les entraîner. Est-ce que cela ne va pas favoriser définitivement les grands acteurs d'Internet qui accumulent ces données, américains et chinois ? Est-ce que dans cette bataille, la France a une chance ? Est-ce qu'on est destiné à être uniquement des utilisateurs des IA des autres ? Alors ça, c'est une vraie question. Hein. C'est sûr que ceux qui ils l'ont compris probablement avant les autres. Et puis, ils l'ont compris. Et puis aussi, ils ont un accès facilité aux données. Mais je dirais, on les a un peu laissés faire. Donc, je pense qu'on commence à s'en mordre les doigts aujourd'hui. Donc, cette problématique, elle est évidemment très importante. Stratégique, hein, l'accès aux données, qu'est-ce qu'on fait de nos données, et parce que finalement, au bout du compte, c'est ça qui permet, comme vous l'avez précisé, d'avoir des systèmes qui sont de plus en plus pertinents, efficaces. Alors c'est un sujet compliqué, parce que ne pas donner nos données, c'est évidemment accéder à des services de moins bonne qualité, mais si on les donne, effectivement, on renforce finalement ceux qui les utilisent. Alors il y a évidemment le problème des GAFA. Mais finalement... Donc GAFAM, Google, Apple, voilà, Facebook... Mais il y a beaucoup d'autres entreprises aujourd'hui ont des données extrêmement importantes, les opérateurs téléphoniques, les banques, les assurances. Un banquier, il vous connaît mieux que... J'allais dire mieux que vous-même, c'est pas vrai, mais il est capable, à partir de, retraçant un petit peu votre historique de, financier, de comprendre énormément de choses. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette problématique des très grandes entreprises multinationales, mais finalement, pratiquement toutes les entreprises aujourd'hui ont accès à des données, et ces données peuvent être utilisées pour améliorer leur, leur business. Hein. En premier lieu, Facebook, que beaucoup de monde utilise et qui est très friand d'intelligence artificielle pour tout un tas d'applications dans leur logiciel. Mais il faut être prudent, ouais. Je dirais qu'il ne faut pas... alors après, on peut décider de boycotter un certain nombre de systèmes, ça c'est une décision personnelle. Moi, je suis plutôt pour dire attention, effectivement, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on publie sur ces réseaux? Quelles sont les données qu'on accepte de donner? Et puis, quelles sont les choses qu'on préfère garder pour soi? Ça c'est une décision personnelle. Derrière tout ça, on a parlé des managers d'entreprise, de gestion personnelle. Ça veut dire que la priorité pour moi doit être à l'information et à la formation des gens. Ce sont des choses qui sont cruciales. On ne peut rien décider si on n'est pas informé, si on ne comprend pas réellement ce qui se passe. Oui, désolé, je vous coupe parce qu'on a très peu de temps, beaucoup de choses à aborder. Oui, René, une question. Oui, justement. Donc, comme vous l'avez dit, le numérique pourrait en fait créer de nouveaux emplois, mais du fait de la concentration et de la création de monopoles comme les GAFAM, on sait que en fait, quand, les monopoles impactent plutôt négativement la création d'emplois. Bon, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là justement? Est-ce qu'on risque pas de se retrouver encore un peu comme depuis les années 80 avec toujours au fond un sous-emploi massif malgré tout? J'ai un petit peu de mal à répondre à votre question parce que je suis pas un économiste, hein, et donc j'ai pas de chiffres qui permettent d'aller dans un sens ou dans un autre. Hein, mais encore une fois, je pense qu'il faut pas jeter le bébé non plus avec l'eau du bain. Il y a des progrès très importants qui sont effectués, et en particulier dans les laboratoires non seulement des universités, mais aussi de ces grandes entreprises. Je pense que là, les politiques ont une responsabilité, hein, d'essayer de réguler au mieux ce qui est en train de se passer. C'est pas forcément facile. Mais en tout cas, c'est effectivement, faut pas laisser tout faire, parce que ça, sinon, on irait vers des travers ennuyeux pour nous, ça c'est sûr. Oui, on va un peu passer, on va aller vers la conclusion pour se poser la question d'une éthique par rapport à ça. Et donc, j'ai une question. Oui, alors une question extrêmement concrète, parce que vous dites avoir des activités maintenant de conseil, et donc on aimerait savoir auprès de quel type d'entreprise, sans les nommer bien sûr, mais quel type d'entreprise s'intéresse à vos conseils, ce qui permet comme ça pour nous de se représenter très concrètement qu'il y a maintenant des entreprises en France, et pas seulement les GAFAM bien lointaines, qui utilisent de l'IA. Alors déjà, soyons clairs, hein, toutes les entreprises aujourd'hui ont l'oreille sur ce qu'est l'IA. Maintenant, en pratique, je dirais, beaucoup n'en font pas. Hein, et ça couvre tout le spectre des petites aux plus grandes. Donc aujourd'hui, j'interviens pour des entreprises de taille petite pour les conseiller ce qui pourrait être fait dans leur entreprise pour je dirais, commencer à intégrer cette compétence, parce que c'est pas facile, hein. Qu'est-ce que je fais? Demain, j'ai une petite entreprise, une vingtaine de personnes, qu'est-ce que je fais pour intégrer l'IA dans mon entreprise? C'est pas une évidence, parce que les compétences sont rares et chères aujourd'hui en intelligence artificielle, donc c'est difficile. Donc qu'est-ce que je peux faire? Donc ma réponse en général, c'est de commencer effectivement par de l'information et de la formation, et puis ensuite de passer, si c'est possible, à un petit projet qui va un petit projet, je dirais, d'études qui va leur permettre, je dirais, d'intégrer cette compétence dans l'entreprise, pour un ses métiers. Les grandes entreprises, elles ont aussi énormément de besoins, justement pour, alors je ne citerai pas le nom, mais de très grands, y compris qui sont très très impliqués dans l'IA aujourd'hui. Et donc, elles ont un besoin qui est un petit peu différent, parce qu'elles connaissent l'IA, évidemment, mais elles doivent montrer aussi, communiquer sur le fait que, justement, elles ne font pas n'importe quoi, qu'elles ont un comportement et des actions éthiques qui ne sont pas simplement là pour piller les données de tout à chacun. Donc les besoins sont évidemment différents entre des petites entreprises qui veulent s'initier et comprendre ce qui se passe, et puis des entreprises beaucoup plus importantes qui, elles, ont d'autres besoins à résoudre. Oui, René. Oui, justement, par rapport à l'éthique, il y a la charte des 23 principes d'Asilomar qu'un grand nombre de chercheurs, de scientifiques ont signé, dont vous-même, je crois. Ouais. Pensez-vous que ce soit suffisant? Alors non, clairement non, hein, c'est absolument pas suffisant. Mais c'est mieux que rien, pas. Je dirais. Donc... C'est pas suffisant parce qu'au bout du compte, c'est une charte déontologique, une charte éthique, mais il faut ensuite veiller à ce qu'elle soit appliquée. Et donc c'est là où les Athéniens s'éteignent, hein, parce que c'est facile de faire des déclarations, mais ensuite, en pratique, c'est beaucoup plus difficile à appliquer. C'est un petit peu comme l'environnement et lutter, il y a beaucoup de déclarations sur l'environnement, mais en pratique, qui fait quoi réellement? Il faudrait des principes contraignants, en fait, pour les entreprises. Ah ouais, mais ça, c'est pas aussi simple que ça, en fait. On le voit avec l'actualité, en particulier aujourd'hui, qui est un jour tout à fait particulier, que c'est pas si simple d'appliquer... d'appliquer ce type d'approche. Alors, je ne suis pas en train de critiquer les mouvements qui se passent aujourd'hui, ni la manière dont le gouvernement essaye, il y aurait beaucoup à dire. Mais voilà, donc c'est en fait la réalité est beaucoup plus compliquée. Et on a tendance naturellement à renvoyer ça aux politiques ou aux entreprises, etc. D'autant plus si effectivement elles n'ont pas un comportement complètement éthique sur ces sujets, mais c'est tout à chacun. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour dans ce contexte, sachant ça, pour gérer ça? Donc ça, c'est vrai pour l'environnement, c'est vrai pour l'IA. Alors tout à chacun ne sera pas forcément impacté directement sur l'IA, mais quand on lance ce type de projet, ça veut dire que la réflexion éthique doit en faire partie dès le départ. Et c'est pas juste une charte qu'on signe au début d'un projet. C'est veiller pendant tout le cycle de développement du projet puis son utilisation ensuite qu'on va continuer à appliquer ces principes. Donc clairement, pour résumer, oui, c'est bien cette charte, mais ça suffit pas de signer une charte. Ensuite, il faut veiller à son application, et c'est là où c'est plus compliqué. Bon, on va terminer là-dessus. Donc, merci beaucoup, Jean-Claude Dain. Donc, je rappelle votre livre Intelligence artificielle, manuel de survie. Et merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous. Bonne journée et au revoir. Bonne journée. Je cite aussi un autre livre de Jean-Gabriel Ganetcha, Le mythe de la singularité, faut-il craindre l'intelligence artificielle? Et donc on va passer à une pause musicale. C'est un extrait tiré de la pièce Le graphique de Boys Cop. C'est Romain Bouteille qui chante. Et donc, pour rester dans le ton de l'émission, on écoute une chanson écrite et composée par un assemblage d'ordinateurs récupérés dans les poubelles, hein, c'était en 1976. Le principe est simple, on mélange dans l'ordinateur recomposé paroles et chansons des tubes de l'été des années précédentes. Et à la sortie, on obtient le tube de l'année. On écoute ça tout de suite. Je crois que ça peut. Allez, je te laisse également. le chat, le chien, les pigeons, les redons de ta maman, et les cactus du balcon. Je t'aime et je l'avoue, mais depuis l'été dernier, tant pis si tu me boves, une autre est à mes côtés. Le soleil se lève et puis il se couche, toujours pareil, et moi c'est pareil. Donne-moi tes lèvres, donne-moi ta bouche, la nuit et le jour, c'est ça l'amour. Le soleil se lève et puis il se couche, toujours pareil, et moi c'est pareil. Donne-moi tes lèvres, donne-moi ta bouche, la nuit et le jour, c'est ça l'amour. Petit homme à mon garçon, tu vas t'en aller d'ici, je te demande pardon. Ton papa a des soucis, la dame qui vient d'entrer aura bientôt un enfant que tu as le droit d'aimer d'un fraternel sang qui ment. Ah, le monde serait bon si l'on pouvait oublier tous les ennuis, tous les maux, et si l'on pouvait chanter. Le soleil se lève et puis il se couche, toujours pareil, et moi c'est pareil. Donne-moi tes lèvres, donne-moi ta bouche, la nuit et le jour, c'est ça l'amour. Le soleil se lève, et puis il se couche, toujours pareil, et moi c'est pareil. Donne-moi tes lèvres, donne-moi ta bouche, la nuit et le jour, c'est ça l'amour. La nuit et le jour. Donc, après cette chanson un peu originale, on va passer à la chronique de Ludovic. On t'écoute. Oui, 2017, et comme vous le savez, c'est le jour de la Révolution. Ça ne vous aura pas échappé. Et voilà, donc il était difficile de ne pas parler du mouvement des Gilets jaunes. La question donc se pose, le jaune fluo est-il une couleur révolutionnaire ou réactionnaire ? Depuis trois semaines, la question agite toutes les formations politiques à la gauche de l'échiquier politique. Et devant l'engouement populaire, 72% des Français seraient pour, selon les sondages, pour le mouvement donc, dit des Gilets jaunes contre la hausse des prix du diesel, la gauche a fini par trancher. Cinq ans après avoir vertement critiqué le mouvement des Bonnets Rouges, rappelez-vous le mouvement des Bonnets Rouges en Bretagne, qui, outre la parenté lexicale, charriait des problématiques similaires à celui des Gilets jaunes, critique de l'écologie punitive, je reprends les termes de Ségolène Royal, hausse du prix à la pompe, mais aussi la forme même de la lutte censée être spontanée et apolitique. Toutes les organisations, à l'exception notable d'Europe Écologie Les Verts, qui, comme vous le savez, a décidé de ne pas apporter le soutien à la mobilisation du 17 novembre. Il y a un grand malaise de la gauche face à ces mobilisations protéiformes, nées sur les réseaux sociaux, et dont personne ne peut dire clairement quel est le mot d'ordre. Est-ce que c'est le retrait de la taxation sur le carburant ? Est-ce que c'est la réorientation des recettes de cette taxe vers des programmes réellement écologiques ? On ne sait pas vraiment exactement ce qu'il en est. Alors pourquoi un malaise ? D'un côté, il apparaît difficile effectivement pour l'opposition de ne pas s'associer à ce mouvement à forte teneur anti-Macron, a fortiori à quelques mois des échéances européennes. Il serait difficile de passer à côté d'une colère soutenue par les trois quarts des salariés et des ouvriers selon les enquêtes d'opinion quand on se veut les représentants du peuple. Je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon. De l'autre côté, participer à une mobilisation noyautée par la droite et par l'extrême droite, et dont se sont désolidarisés la CGT et la CFDT, a quelques bonnes raisons d'embarrasser. Il est impossible d'imaginer la CGT défiler à côté du Front National. La CGT ne peut pas s'associer, expliqué vendredi matin sur France Inter, Philippe Martinez, le secrétaire général du syndicat. Gêne identique au sein même de la France Insoumise et de Génération. Depuis les années 1920 et 30, les mobilisations des contribuables sont liées à la droite, voire à l'extrême droite, ce qui explique en partie pourquoi la gauche est plutôt tenue à l'écart de ce type de mouvement, observe le sociologue Alexis Spire, auteur de « Résistance à l'impôt, attachement à l'État, enquête sur les contribuables français ». Alexis Spire qui avait été invité d'ailleurs à une émission d'Angle d'Attaque il y a quelques mois. Mais nous dit Alexis Spire, le problème c'est que si jadis les mouvements antifiscaux étaient majoritairement le fait des petits indépendants et des professions libérales, les classes populaires ressentent actuellement de plus en plus un sentiment d'injustice fiscale. Et en effet, une des premières raisons de soutenir les Gilets jaunes, qui est mon cas, c'est que la politique fiscale de Macron est outrageusement injuste. En effet, il a diminué les impôts progressifs des riches et des entreprises. Il a supprimé l'impôt sur la fortune. Il a transformé le CICE en un allègement des cotisations sociales des entreprises, en même temps qu'il augmentait la CSG et qu'il organisait l'appauvrissement des collectivités territoriales pourvoyeuses de services publics en prévoyant de supprimer la taxe d'habitation. La deuxième facette de l'injustice et de l'absurdité donc, de cette politique gouvernementale concerne l'absence totale de mesures en faveur d'une transition énergétique et écologique digne de ce nom pour commencer une transformation des systèmes de transport et pour se diriger vers des énergies renouvelables. Les investissements publics diminuent d'année en année, comme vous le savez, pendant que le système ferroviaire se détériore et les investissements privés ne sont décidés qu'en fonction de normes financières. Il s'ensuit que sans accompagnement ni social ni en termes de nouvelles infrastructures, les personnes les plus pauvres se trouvent à gérer un budget contraint par la remontée depuis 3 ans du cours du pétrole. La troisième raison de l'injustice et de l'absurdité de cette politique tient à l'aveuglement d'un raisonnement économique qui voit dans le prix l'unique moyen de modifier les comportements. Si les cigarettes sont plus chères, les gens fumeront moins. On est d'accord là-dessus, mais le problème, c'est que en matière de voitures, la question n'est pas la même que le tabac. En effet, si on peut s'abstenir de fumer, on peut difficilement choisir de se passer de la voiture, a fortiori si tout a été fait depuis des décennies pour qu'on en ait vraiment besoin pour travailler et vivre au quotidien. En effet, que ce soit l'urbanisation galopante accroissant les distances sous l'effet de la spéculation foncière et immobilière, que ce soit les incitations forcenées à la mobilité, le développement des zones commerciales ayant détruit les commerces proches, la fermeture de nombreux services publics de proximité, des maternités, etc., les fermetures de lignes de chemin de fer, tout cela est plutôt de nature à inciter, effectivement, à utiliser la voiture. Donc ainsi, l'injustice et l'absurdité de cette politique se conjuguent pour faire éclater au grand jour la colère sociale qui explose donc ce jour. Trop c'est trop, nous disent une partie des Gilets jaunes. Car si la hausse de la taxe intérieure de la consommation sur les produits énergétiques, TICPE, indispensable sur le long terme, va permettre d'augmenter des recettes fiscales qui doivent passer de 33 milliards d'euros à 37 milliards d'euros en 2019, seulement 7,2 milliards sont explicitement consacrés à la transition énergétique. Il faut dire les choses clairement, l'argument de la transition écologique n'est qu'un prétexte. Sous couvert d'écologie, le gouvernement cherche simplement à renflouer à bon compte les caisses de l'État. Donc, je termine, et c'est pour ça que je pense qu'il faut soutenir ce mouvement, mais en traduisant en langage de gauche la colère noire de sortir du cadrage imposé par la droite et l'extrême droite et de passer du pouvoir d'achat à la question salariale, du ras-le-bol fiscal à l'injustice sociale et de la grogne des automobiles à une réflexion plus générale sur l'organisation du territoire par les services publics. Oui, merci Ludovic. Peut-être René, c'est juste un point important à aborder. Très rapidement, alors les activités d'attaque, alors au plan national, ben, la position d'attaque rejoint un peu ce que vient de dire Ludovic. Je donne brièvement sa conclusion. Une véritable politique de lutte contre le réchauffement climatique ne peut se faire en aggravant les inégalités, mais doit être au contraire l'occasion de réduire celles-ci pour aller vers une transition écologique et sociale appuyée sur plus de justice fiscale. De même, la campagne « Pas avec notre argent » entame maintenant son second volet, axé sur le livret de développement durable et solidaire. Oui, je vous en avais parlé. La pétition lancée courant octobre a déjà recueilli plus de 8000 signatures et a reçu le soutien de nombreuses personnalités politiques ainsi que de plusieurs organisations. La campagne se poursuivra jusqu'à ce que des engagements fermes soient pris pour que ce livret cesse de financer la destruction du climat. La pétition est disponible sur le site d'Attaque France. Également une autre pétition, protégeons nos lanceurs d'alerte partout en Europe. Et l'Union européenne est en train de décider de la manière dont seront protégés à l'avenir les lanceurs d'alerte. Un projet de directive qui est actuellement débattu au Parlement européen et sera négocié entre le Parlement et le Conseil européen. Cette directive nous donne enfin l'opportunité d'offrir une protection aux lanceurs d'alerte. De même, là, vous pouvez trouver la pétition sur le site d'Attaque France. Et enfin, le JEFTA, qui est l'accord de libre-échange avec le Japon et l'Union européenne, qui a été approuvé par le Conseil européen. Il doit être soumis à la ratification du Parlement européen entre le 11 et le 13 décembre prochain. Et seul le Parlement votera. Car à l'inverse du CETA, le JEFTA ne contient pas de partie sur les tribunaux d'arbitrage. Donc les parlements nationaux ne seront pas consultés. Par contre, les risques pour les citoyens sont réels. Le JEFTA comporte un chapitre sur la coopération réglementaire, voie ouverte aux entreprises transnationales pour influer sur les réglementations nationales. Il adopte l'approche des listes négatives pour la libération des services. Il ne comporte pas de mécanisme contraignant pour le respect des normes sociales et environnementales. Donc le collectif Stop TAFTA CETA en France demande aux eurodéputés français de voter contre le JEFTA et de s'opposer à la logique des accords commerciaux qui font passer les intérêts des entreprises avant tout. Vous trouverez cet outil d'interpellation également sur le site d'Attaque France. Merci René. Donc on termine ici. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve le mois prochain. Merci. Tonight.